Section 9 de Compilation de pensées, textes et poésies de François René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Réflexion politique sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français par Monsieur de Chateaubriand. Avertissement. Nous avons lu avec soin les écrits politiques qui ont paru depuis quelques mois. Répondre aux objections diverses, concilier les opinions, rappeler les Français à leurs intérêts, tel est le but que nous nous sommes proposés dans ces réflexions. L'atteindrons-nous, ce but ? Nous serions trop heureux. Chapitre 1er. Cas extraordinaire. Un juge établi sur un tribunal, d'après les anciennes constitutions du pays et non par le fait d'une révolution violente, a condamné un homme à mort. Cet homme a été justement condamné. Il était coupable des plus grands crimes. Mais cet homme avait un frère. Ce frère n'a pas pu et n'a pas dû se dépouiller des sentiments de la nature. Ainsi, entre le juge du coupable et le frère de ce coupable, il ne pourra jamais s'établir aucune relation. Le cri du sang a pour toujours séparé ces deux hommes. Un juge établi sur un tribunal d'après les anciennes constitutions du pays et non par le fait d'une révolution violente a condamné un homme à mort. Cet homme n'était pas coupable du crime dont on l'accusait. Mais soit prévarication, soit erreur, le juge a condamné l'innocence. Si cet homme a un frère, ce frère, bien moins encore que dans le premier cas, ne peut jamais communiquer avec le juge. Enfin, un homme a condamné un homme à mort. L'homme condamné était innocent. L'homme qui l'a condamné n'était point son juge naturel. L'innocent condamné était un roi. Le prétendu juge était son sujet. Toutes les lois des nations, toutes les règles de la justice ont été violées pour commettre le meurtre. Le tribunal, au lieu d'exiger les deux tiers des voix pour prononcer la sentence, a rendu son arrêt à la majorité de quelques voix. Afin d'obtenir cette majorité, on a même été obligé de compter le vote des juges, qui avaient prononcé la mort conditionnellement. Le monarque, conduit à l'échafaud, avait un frère. Le juge, qui a condamné l'innocent, le sujet, qui a immolé son roi, pourra-t-il se présenter aux yeux du frère de ce roi ? S'il ne peut se présenter devant lui, osera-t-il pourtant lui écrire ? S'il lui écrit, sera-ce pour se déclarer criminel ? Pour lui offrir sa vie en expiation ? Si ce n'est pour dévouer sa tête, si du moins pour révéler quelque secret important à la sûreté de l'État ? Non. Il écrit à ce frère du roi pour se plaindre d'être injustement traité. Il pousse la plainte jusqu'à la menace. Il écrit à ce frère devenu roi et dont par conséquent il est devenu le sujet pour lui faire l'apologie du régicide, pour lui prouver par la parole de Dieu et par l'autorité des hommes qu'il est permis de tuer son roi. Joignant ainsi la théorie à la pratique, il se présente à Louis XVIII comme un homme qui a bien mérité de lui. Il vient lui montrer le corps sanglant de Louis XVI et sa tête à la main demander son salaire. Est-ce du fond d'un cachot, dans l'exaspération du malheur, que cette apologie du régicide est écrite ? L'auteur est en pleine liberté. Il jouit des droits des autres citoyens. On voit à la tête de son ouvrage l'énumération de ses places et les titres de ses honneurs, places et honneurs dont quelques-uns lui ont été conférés depuis la Restauration. Le roi, sans doute, transporté de douleur et d'indignation, a prononcé quelques arrêts terribles. Le roi a donné sa parole de tout oublier. Chapitre 2. Parole d'un des juges d'Harrison. Mais le monde, comme le roi, n'a pas donné sa parole. Il pourra rompre le silence. Par quelle imprudence, des hommes qui devraient surtout se faire oublier, sont-ils les premiers à se mettre en avant, à écrire, à dresser des actes d'accusation, à semer la discorde, à attirer sur eux l'attention publique ? Qui pensait à eux ? Qui les accusait ? Qui leur parlait de la mort du roi ? Qui les priait de se justifier ? Que ne jouissaient-ils en paix de leurs honneurs ? Ils s'étaient vantés, dans d'autres écrits, d'avoir condamné Louis XVI à mort. Eh bien, personne ne voulait leur ravir cette gloire. Ils disent qu'ils sont proscrits. Est-il tombé un cheveu de leur tête ? Ont-ils perdu quelque chose de leur bien, de leur liberté ? Pourquoi, fidèles au souvenir de nos temps de malheur, continuent-ils à accuser leurs victimes ? Y a-t-il beaucoup de courage et de danger à braver aujourd'hui un Bourbon? Faut-il porter dans son sein un cœur de bronze pour affronter leur bonté paternelle? Est-il bien glorieux de rompre le silence que l'on gardait sous Buonaparte, pour venir dire de fière vérité à un monarque qui, assis après 25 ans de douleur, sur le trône sanglant de son frère, ne répand autour de lui qu'une miséricorde presque céleste? Qu'arrive-t-il? C'est que le public est enfin obligé d'entrer dans des questions qu'il eût mieux valu ne pas agiter. Le colonel Harrison, un des juges de Charles Ier, fut, après la restauration de Charles II, traduit devant un tribunal pour être jugé à son tour. Parmi les diverses raisons qu'il apporta pour sa défense, il fit valoir le silence que le peuple anglais avait gardé jusqu'alors sur la mort de Charles Ier. Un des juges lui répondit « J'ai ouï raconter l'histoire d'un enfant devenu muet de terreur en voyant assassiner son père. L'enfant, qui avait perdu l'usage de la voix, garda profondément gravé dans sa mémoire les traits du meurtrier. 15 ans après, le reconnaissant au milieu d'une foule, il retrouva tout à coup la parole et s'écria « Voilà celui qui a tué mon père. Harrison, le peuple anglais, a cessé d'être muet. Il nous crie en te regardant « Voilà celui qui a tué notre père. » Chapitre 3. Que la doctrine du régicide apparut en Europe vers le milieu du XVIe siècle. Buchanan, Mariana, Sommes et Milton. La doctrine du régicide n'est pas nouvelle. Un peu après la mort d'Henri III, il parut des écrits où l'on avançait qu'il est permis à un peuple de se défaire d'un tyran. Les justifications suivent les crimes. On examina, à cette époque, les opinions que nous avons cru appartenir à notre siècle. Ce ne furent pas seulement les protestants qui rêvèrent des républiques. Les catholiques se livrèrent aussi au même songe. Il est remarquable que les pamphlets de ces temps-là sont écrits avec une vigueur, une science, une logique qu'on retrouve rarement aujourd'hui. Buchanan, dans le dialogue « De jure regnus apud Scotos » et Mariana surtout dans le traité « De rege et regis institutione » réunir en un corps de doctrine ses idées éparses dans divers écrits. On prétendit que Ravaillac avait puisé dans Mariana les sentiments qui coûtèrent la vie à Henri IV. Ravaillac ne savait pas le latin. Il n'avait pu lire le traité des Rege, mais il avait pu entendre parler des opinions qui y sont déduites. Ainsi, la doctrine du régicide parut d'abord dans Le Monde pour préconiser le crime de Jacques Clément et pour inspirer celui de Ravaillac. La mort de Charles Ier donna une nouvelle célébrité aux principes de Buchanan et de Mariana. Un champion de l'autorité royale, Sommes, descendit dans l'arène armé de toute l'érudition de son siècle. Il publia son fameux traité « Defensio Regia pro Carolo Primero ». Il prouva d'abord l'inviolabilité et la puissance légale des rois, d'après des préceptes et des exemples puisés dans l'Ancien Testament. Il trouva ensuite, dans le Nouveau Testament et dans la doctrine des pères, d'autres autorités pour foudroyer encore les principes des régicides. De là, passant aux auteurs profanes, il invoqua, en faveur de l'autorité royale, les plus grands philosophes et les plus grands historiens de l'Antiquité. Sommes ne resta pas sans réponse. Il eut la gloire d'avoir pour adversaire un des plus beaux génies de l'Angleterre. Milton s'était déjà signalé dans son ouvrage sur « Le droit des rois et des magistrats », qui n'est qu'un commentaire du traité de Mariana. Il releva le gant jeté au régicide. Il réfuta Sommes, dit Voltaire, comme une bête féroce combat un sauvage. Il eût été plus juste de dire « comme un fanatique combat un pédant ». Le style latin de Milton est serré, énergique. Souvent, à la vigueur de l'expression, on reconnaît l'auteur du Paradis perdu. Mais le raisonnement est digne de la cause que Milton avait embrassée. Les plaisanteries ne sont pas toujours de bon goût. L'érudition, quoique moins prodiguée que dans le traité de Sommes, vient souvent hors de propos et l'auteur ne répond solidement à rien. Écoutons encore Voltaire. Milton, dit-il, avait été quelque temps secrétaire pour la langue latine du parlement appelé le « rump » ou le « croupion ». Cette place fut le prix d'un livre latin en faveur des meurtriers du roi Charles Ier. Livre, il faut l'avouer, aussi ridicule par le style que détestable par la matière. On peut juger si un tel pédant atrabilaire, défenseur du plus énorme crime, pût plaire à la cour polie et délicate de Charles II. Le grand argument de Milton était aussi celui des juges de Charles Ier. Il le trouvait, comme Ludlow, dans ce texte de l'Écriture. La terre ne peut être purifiée du sang qui a été répandu que par le sang de celui qui l'a répandu. Cet argument n'eût rien valu contre Louis XVI. Chapitre 4. Parallèle. Telle fut cette fameuse controverse. Ceux qui la rappellent aujourd'hui paraissent ignorer ce qu'on a dit et écrit avant eux sur ce sujet, tant ils sont faibles en preuves, en citations et en raisonnements. De même que les régicides anglais, ils citent l'Écriture sainte à l'appui de leur doctrine. Mais ils la citent vaguement, ou parce qu'ils la connaissent peu, ou parce qu'ils sentent qu'elle ne leur est pas favorable. Les auteurs de la mort de Charles étaient pour la plupart des fanatiques de bonne foi, des chrétiens zélés qui, abusant du texte sacré, tuèrent leur souverain en conscience. Mais parmi nous, ceux qui font valoir l'autorité de l'Écriture dans une pareille cause, ne pourraient-ils pas être soupçonnés de joindre la dérision au parricide, de vouloir, par des citations tronquées, mal expliquées, troubler le simple croyant, tandis que pour eux-mêmes, ces citations ne seraient que ridicules? Employer ainsi l'incrédulité à immoler la foi, justifier le meurtre de Louis XVI par la parole de Dieu, sans croire soi-même à cette parole, égorger le roi au nom de la religion pour le peuple, au nom des lumières pour les esprits éclairés, allumer l'autel du sacrifice au double flambeau du fanatisme et de la philosophie. Ce serait, il faut en convenir, une combinaison nouvelle. Si les régicides anglais étaient, comme nous venons de le dire, des fanatiques de bonne foi, ils avaient encore un autre avantage. Ces hommes, couverts du sang de leur roi, étaient purs du sang de leurs concitoyens. Ils n'avaient pas signé la proscription d'une multitude d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards. Ils n'avaient pas à poser leur nom, de confiance, au bas des listes de condamnés, après des noms très peu faits pour inspirer cette confiance. Pourtant ces hommes, qui n'avaient pas fait tout cela, étaient en horreur. On les fuyait comme s'ils avaient eu la peste. On les tuait comme des bêtes fauves. Qu'il était à craindre que cet effrayant exemple n'entraînât les Français. Et cependant, que disons-nous à certains hommes? Rien. Ils vivent à nos côtés, nous les rencontrons, nous leur parlons, nous allons chez eux, nous nous asseyons à leur table, nous leur prenons la main sans frémir. Ils jouissent de leur fortune, de leur rang, de leurs honneurs. Comme le roi, nous ne leur eussions jamais parlé de ce qu'ils ont fait, s'ils n'avaient été les premiers à nous le rappeler, à se transformer en accusateurs. Ils osent crier à l'esprit de vengeance. Craignons plutôt que la postérité ne porte de nous un tout autre jugement, qu'elle ne prenne cette admirable facilité de tout pardonner pour une indifférence coupable, pour une légèreté criminelle, qu'elle ne regarde comme une méprisable insouciance du vice et de la vertu, ce qui n'est qu'une impossibilité absolue de récriminer et de haïr. Les Anglais qui firent leur révolution étaient des républicains sincères. Conséquents à leurs principes, les premiers d'entre eux ne voulurent point servir Cromwell. Harrison, Ludlow, Vane, Lambert s'opposèrent ouvertement à sa tyrannie et furent persécutés par lui. Ils avaient pour la plupart toutes les vertus morales et religieuses. Par leurs convictions, ils honorèrent presque leurs crimes. Ils ne s'enrichirent point de la dépouille des proscrits. Dans les actes de leur jugement, lorsque le président du tribunal fait au témoin cette question d'usage, « L'accusé a-t-il des biens et des châteaux ?» la réponse est toujours « Nous ne lui en connaissons point ». Harrison écrit en mourant à sa femme qu'il ne lui laisse que sa Bible. Tout homme qui suit sans varier une opinion est excusable, du moins à ses propres yeux. Un républicain de bonne foi, qui ne cède ni au temps, ni à la fortune, qui est toujours ennemi des rois, en horreur les tyrans, mérite d'être estimé, quand d'ailleurs on ne peut lui reprocher aucun crime. Mais si des fortunes immenses ont été faites, si, après avoir égorgé l'agneau, on a caressé le tigre, si Brutus a reçu des pensions de César, il fera mieux de garder le silence. L'accent de la fierté et de la menace ne lui convient plus. On ne pouvait rien contre la force, vous avez pu quelque chose contre la vertu. On donne une singulière raison de la mort de Louis XVI. On assure qu'il n'était déjà plus roi lorsqu'il fut jugé, que sa perte était inévitable, que sa mort fut prononcée comme on prononce celle d'un malade dont on désespère. Avons-nous bien lu et en croirons-nous nos yeux? Depuis quand le médecin empoisonne-t-il le malade lorsque celui-ci n'a plus d'espérance de vivre? Et la maladie de Louis XVI était-elle donc si mortelle? Plût à Dieu que ce roi, que l'on a tué parce qu'il n'y avait plus moyen de contenir les factions, eût été la victime de ces factions mêmes. Plût à Dieu qu'il eût péri dans une insurrection populaire. La France pleurerait un malheur, elle n'aurait pas à rougir d'un crime. Vous assurez que si les juges qui ont condamné le roi à mort se sont trompés, ils se sont trompés avec la nation entière qui, par de nombreuses adresses, a donné son adhésion au jugement. Les gouvernements étrangers, en traitant avec ces juges, ont aussi prouvé qu'ils ne blâmaient pas le meurtre de Louis. Ne flétrissez point tous les Français pour excuser quelques hommes. Peut-on, sans rougir, alléguer les adresses de ces communes gouvernées par un club de jacobins et conduites par les menaces et la terreur? D'ailleurs, un seul fait détruit ce que l'on avance ici. Si en conduisant le roi à l'échafaud, on n'a fait que suivre l'opinion du peuple, pourquoi les juges ont-ils rejeté l'appel au peuple? Si Louis était coupable, si les vœux étaient unanimes, pourquoi, dans la Convention même, les suffrages ont-ils été si balancés? La haute cour qui condamna Charles le condamna à l'unanimité. La France vous rend donc le fardeau dont vous voulez vous décharger sur elle. Il est pesant, mais il est à vous, gardez-le. Les nations étrangères ont traité avec vous. Ce ne fut point au moment de la mort du roi. L'assassinat de Louis, du plus doux, du plus innocent des hommes, acheva d'armer contre vous l'Europe entière. Un cri d'indignation s'éleva dans toutes les parties du monde. Un Français était insulté pour votre crime jusque chez ces peuples accoutumés à massacrer leurs chefs à Constantinople, à Alger, à Tunis. Parce que les étrangers ont traité avec vous, ils ont approuvé la mort du roi? Dites plutôt que le courage de nos soldats a sauvé la France du péril où vous l'aviez exposée en appelant sur un forfait inouï la vengeance de tous les peuples. Ce n'est point avec vous qu'on a traité, mais avec la gloire de nos armes, avec ce drapeau autour duquel l'honneur français s'était réfugié et qui vous couvrait de son ombre. Chapitre 5. Illusion des apologistes de la mort de Louis XVI. Que veulent donc, au fond, les auteurs de ces déplorables apologies? La République, ils sont guéris de cette chimère. Une monarchie limitée, ils l'ont. Ils conviennent eux-mêmes que toutes les garanties de la liberté sont dans la charte. Si nous sondons la blessure, nous trouverons une conscience malade qui ne peut se tranquilliser, une vanité en souffrance qui s'irrite de n'être pas seule appelée au conseil du roi et qui voudrait jouir auprès de lui non seulement de l'égalité, mais encore de la préférence. Enfin, un désespoir secret né de l'obstacle insurmontable qui s'élève entre Louis XVIII et les juges de Louis XVI. Ne serait-il pas bien plus honorable pour ces hommes de se rendre justice, d'avouer ingénument leur tort, de convenir qu'ils ne peuvent pas être une société pour le roi, de reconnaître ses bontés au lieu de se sentir humiliés de son silence, de la paix qu'il leur accorde et du bonheur qu'il verse sur eux pour toute vengeance? Il est assez probable toutefois qu'ils ne se mettent si fort en avant que parce qu'ils se font illusion sur leur position. Il faut les détromper. Ce n'est pas sans raison qu'ils nous répètent que la France entière est coupable, avec eux, de la mort du roi. « Si on nous touche, disent-ils, on touchera bientôt à ceux qui nous suivent. Nous sommes la première phalange. Une fois rompue, le reste sera enfoncé, de toutes parts. » Ils espèrent ainsi enrôler beaucoup de monde sous leur drapeau et se rendre redoutables par cette espèce de coalition. D'abord, on ne veut point les atteindre, on ne les menace point. Pourquoi sont-ils si susceptibles? Pourquoi prendre les pleurs que l'on répand sur la mémoire de Louis XVI pour des actes d'accusation? Faut-il, pour ménager leur délicatesse, s'interdire tout regret? La douleur est-elle une vengeance? Le repentir, une réaction? En admettant même que ces personnes eussent de justes sujets de crainte, elles sont complètement dans l'erreur lorsqu'elles s'imaginent que tous les Français font cause commune avec elles. La mort du roi et de la famille royale est le véritable crime de la Révolution. Presque tous les autres actes de cette Révolution sont des erreurs collectives, souvent expiés par des vertus et rachetés par des services, des torts communs qui ne peuvent être imputés à des particuliers, des malheurs qui sont le résultat des passions, le produit du temps, l'inévitable effet de la nécessité, et qu'on ne peut, ni ne doit, reprocher à personne. Mais les auteurs de la mort du roi ont une cause parfaitement isolée. Sous ce rapport, ils n'inspirent aucun intérêt. Ce n'est point ici une vaine supposition. La formation de la Chambre des Pairs a amené nécessairement quelques exclusions. Le peuple s'en est-il affligé ? La Chambre des députés comptait, parmi ses officiers inférieurs, quelques personnes assez malheureuses pour avoir participé à la mort de Louis XVI. Elle les a invités à se retirer. La nation n'a vu dans cette conduite que l'interprétation de ses propres sentiments. Tous les exemples nobles et utiles devaient être donnés par les dignes représentants du peuple français. Un d'entre eux a fait lui-même le courageux aveu de sa faute, en s'exilant du milieu de ses collègues. Se juger ainsi, c'est ôter à jamais aux autres le droit de juger. C'est sortir de la classe des coupables pour entrer dans celle des infortunés. Ceux qui ont prononcé l'arrêt de Louis XVI doivent donc perdre la pensée de rattacher tous les Français à leur cause. Il faut encore qu'ils ne mettent pas trop leur confiance en leur propre nombre. En effet, ne convient-il pas de retrancher de ce nombre tous ceux qui ont voté la mort avec l'appel au peuple, ou avec une condition tendante à éloigner l'exécution? On doit supposer que ceux-là avaient la pensée de sauver leur maître. Dans un pareil temps, 24 heures étaient tout. On pouvait croire que des votes qui présentaient un espoir de salut sans heurter de front la fureur révolutionnaire étaient plus propres à sauver le roi qu'un non absolu. C'est une erreur, une faiblesse. Mais qui n'a point d'erreur, de faiblesse? Transportons-nous à ces moments affreux. Voyons les bourreaux, les assassins qui remplissaient les tribunes, qui entouraient la Convention, qui montraient du doigt, qui désignaient au poignard quiconque refusait de concourir à l'assassinat de Louis XVI. Les lieux publics, les places, les carrefours retentissaient de hurlements et de menaces. On avait déjà sous les yeux l'exemple des massacres de septembre, et l'on savait à quels excès pouvait se porter une populace effrénée. Il est certain encore qu'on avait fait des préparatifs pour égorger la famille royale, une partie des députés, plusieurs milliers de proscrits, dans le cas où le roi n'eût pas été condamné. Troublé par tant de périls, un homme croit trouver un moyen de concilier tous les intérêts. Il s'imagine que par un vote évasif, il sauvera la famille royale, suspendra la mort du roi et préviendra un massacre général. Il saisit avidement cette fatale idée. Il prononce un vote conditionnel. Mais ses collègues ne s'y trompent pas. Ils devinent son intention et rejettent avec fureur l'appel au peuple, les conditions dilatoires et comptent le vote pour la mort. Cet homme est-il coupable? Oui, selon le droit, non, d'après l'intention. Il ne s'agit pas ici de principes rigoureux, car dans ce cas, ceux même qui auraient voté pour la vie du roi n'en seraient pas moins criminels de lèse-majesté, comme le remarquèrent les juges anglais dans le procès des régicides. Mais nos malheurs ont été si grands qu'ils sont sortis de toute comparaison et de toute règle. Il est aisé de dire, au jour du bonheur et de la sécurité, « J'aurais agi ainsi, je me serais conduit comme cela ». C'est au jour du combat que l'on connaît ses forces. Nous ne devons point juger à la rigueur de ce qui a été dit ou fait sous la pointe du poignard. Dans ce cas, une bonne intention, présumée, fait l'innocence. Le reste est du temps et de l'infirmité humaine. Il faut encore faire une classe à part de ceux qui, appelés depuis la mort du roi aux grandes places de l'État, ont tâché d'expier leurs premières erreurs en sauvant des victimes, en résistant avec courage aux ordres sanglants de la tyrannie, et qui, depuis la Restauration, ont montré, par leur obéissance et leur désir d'être utiles à la monarchie, combien ils étaient sensibles à la miséricorde du roi. Voilà donc le faible bataillon de ceux qui se croient si forts, diminués de tout ce qui ne doit pas entrer dans leur rang. Ils se trompent encore davantage lorsqu'ils s'écrient qu'ils sont la sauvegarde de quiconque a participé à nos troubles. Il serait au contraire bien plus vrai de dire que si quelque chose eût pu alarmer les esprits, c'eût été le pardon accordé au juge du roi. Ce pardon a quelque chose de surhumain, et les hommes seraient presque tentés de n'y pas croire. L'excès de la vertu fait soupçonner la vertu. On serait disposé à dire « Le roi ne peut traiter ainsi les meurtriers de son frère. Et puisqu'il pardonne à tous, c'est que dans le fond de sa pensée, il ne pardonne à personne. » Ainsi, le respect pour la vie, la liberté, la fortune, les honneurs de ceux qui ont voté la mort du roi, au lieu de tranquilliser la foule, eussent pu servir à l'inquiéter. Mais le roi ne veut proscrire personne. Il est fort, très fort. Aucune puissance humaine ne pourrait aujourd'hui ébranler son trône. S'il voulait frapper, il n'aurait besoin d'attendre ni d'autres temps, ni d'autres circonstances. Il n'a aucune raison de dissimuler. Il ne punit pas parce que, comme son frère de douloureuse et sainte mémoire, la miséricorde est son partage, et que, comme Louis XVI, encore, il ne voudrait pas, pour sauver sa vie, verser une seule goutte du sang français. Il a de plus donné sa parole. Aucun Français, à son exemple, ne désire ni vengeance ni réaction. Que demande-t-on à ceux qui ont été assez malheureux pour condamner à mort le fils de Saint-Louis et de Henri IV ? Qu'ils jouissent en paix de ce qu'ils ont acquis, qu'ils élèvent tranquillement leur famille. Il n'est pas cependant si dur, lorsqu'on approche de la vieillesse, qu'on a passé l'âge de l'ambition, qu'on a connu les choses et les hommes, qu'on a vécu au milieu du sang, des troubles et des tempêtes. Il n'est pas si dur d'avoir un moment pour se reconnaître, avant d'aller où Louis XVI est allé. Louis XVI a fait le voyage, non pas dans la plénitude de ses jours, non pas lentement, non pas environné de ses amis, non pas avec tous les secours et toutes les consolations, mais jeune encore, mais pressé, mais seul, mais nu. Et cependant, il l'a fait, en paix. Ceux qui l'ont contraint de partir si vite veulent-ils prouver au monde qu'ils sont dignes de la clémence dont ils sont l'objet ? Qu'ils n'essaient plus d'agiter les esprits, de semer de vaines craintes. Tout bon Français doit aujourd'hui renfermer dans son cœur ses propres mécontentements, en eût-il de raisonnable. Quiconque publie un ouvrage dans le but d'aigrir les esprits, de fomenter des divisions, est coupable. La France a besoin de repos. Il faut verser de l'huile dans nos plaies, et non les ranimer et les élargir. On n'est point injuste envers les hommes dont nous parlons. Plusieurs ont des talents, des qualités morales, un caractère ferme, une grande capacité dans les affaires et l'expérience des hommes. Enfin, si quelque chose les blesse dans la restauration de la monarchie, qu'ils songent à ce qu'ils ont fait, et qu'ils soient assez sincères pour avouer que les misères dont ils se choquent sont bien peu de choses au prix des erreurs où ils sont eux-mêmes tombés. Chapitre 6. Des émigrés en général. Nous trouvons dans les pamphlets du jour beaucoup d'aigreur contre cette classe de Français malheureux, et toujours le triste sujet de la mort du roi revient au milieu de ces plaintes. Ce sont les émigrés qui ont tué le roi, ce sont les émigrés qui nous rapportent des fers, ce sont eux qui accusent de tous les crimes les hommes amis de la liberté. Il faut avoir été vendéen, chouan, cosaque, anglais, pour être bien accueilli à la cour. Et pourtant, qu'a fait la noblesse, qu'a fait le clergé pour le roi ? Etc. On dit qu'un homme est la cause de la mort de son ami lorsque cet homme, jugeant mal d'un événement, a choisi pour sauver son ami un moyen qui ne l'a pas sauvé. Mais s'est-on jamais imaginé de prendre à la lettre cette expression hyperbolique ? A-t-on jamais comparé sérieusement le meurtrier réel d'un homme avec l'ami de cet homme ? Pour soutenir une cause qu'il eût mieux valu ne pas rappeler, comment un esprit éclairé n'a-t-il pu trouver que ce misérable sophisme ? L'émigration était-elle une mesure salutaire ou funeste ? On peut avoir sur ce point différentes opinions. Il faudrait d'abord savoir si cette mesure n'était point forcée, si des hommes insultés, brûlés dans leurs châteaux, poursuivis par les piques, traînés à l'échafaud, ne se sont point vus contraints d'abandonner leur patrie. Si, trouvant dans les champs de leur exil des princes proscrits, comme eux, ils n'ont pas dû leur offrir leurs bras. Ceux qui leur font un crime aujourd'hui d'être sortis de France, ne savent-ils pas, par leur propre expérience, qu'il y a des cas où l'on est obligé de fuir, de s'échapper la nuit par-dessus des murs, et d'aller confier sa vie à une terre étrangère ? Peuvent-ils nier les persécutions ? Les listes n'existent-elles pas ? Ne sont-elles pas signées ? Une seule de ces listes ne se monte-t-elle pas à 15 ou 18 000 personnes, hommes, femmes, enfants et vieillards? Ferons-nous valoir une autre raison de la nécessité de l'émigration? Ce n'est pas une loi écrite, mais c'est le droit coutumier des Français, l'honneur. Partout où on le place, cet honneur, à tort ou à raison, il oblige. Quand on veut raisonner juste, il faut se mettre à la place de celui pour qui on raisonne. Une fois reconnu qu'un gentilhomme devait aller se battre sur le Rhin, pouvait-il n'y pas aller? Mais par qui reconnu? Par le corps, par l'ordre de ce gentilhomme. L'ordre se trompait, soit il se trompait, comme ce vieux roi de Bohême qui, tout aveugle qu'il était, voulut faire le coup de lance à Crécy et y trouva la mort. Qui l'obligeait à se battre, ce vieux roi aveugle? L'honneur, toute l'armée entendra ceci. Qu'a fait la noblesse pour le roi? Elle a versé son sang pour lui à Haguenau, à Weissenbourg, à Quiberon. Elle supporte aujourd'hui pour lui la perte de ses biens. L'armée de Condé qui, sous trois héros, combattait à Bernstein en criant « Vive le roi !» ne le tuait pas à Paris. Mais en restant en France, les émigrés auraient sauvé le roi. Les royalistes anglais qui ne sortirent point de leur pays arrachèrent-ils à la mort leur malheureux maître? Est-ce aussi Clarendon et Falkland qui ont immolé Charles, comme Lally Tollendal et Sombreuil ont égorgé Louis? Qu'a fait le clergé pour le roi? Interrogez l'église des Carmes, les pontons de Rochefort, les déserts de Sioux-à-Marie, les forêts de la Bretagne et de la Vendée, toutes ces grottes, tous ces rochers où l'on célébrait les saints mystères en mémoire du roi martyr. Demandez-le à ces apôtres qui, déguisés sous l'habit du laïc, attendaient dans la foule le char des proscriptions pour bénir en passant vos victimes. Demandez-le à toute l'Europe qui a vu le clergé français suivre dans ses tribulations le fils aîné de l'Église, dernière pompe attachée à ce trône errant que la religion accompagnait encore lorsque le monde l'avait abandonné. Que font-ils aujourd'hui ces prêtres qui vous importunent? Ils ne donnent plus le pain de la charité, ils le reçoivent. Les successeurs de ceux qui ont défriché les Gaules, qui nous ont enseigné les lettres et les arts, ne font point valoir les services passés. Ceux qui formaient le premier ordre de l'État sont peut-être les seuls qui ne réclament point quelques droits politiques. Magnanime exemple donné par les disciples de celui dont le royaume n'était pas de ce monde. Tant d'illustres évêques, doctes confesseurs de la foi, ont quitté la crosse d'or pour reprendre le bâton des apôtres. Ils ne réclament de leur riche patrimoine que les trésors de l'Évangile, les pauvres, les infirmes, les orphelins, et tous ces malheureux que vous avez faits. Ah, qu'il vaudrait mieux éviter ces récriminations, effacer ces souvenirs, détruire jusqu'à ces noms d'émigrés, de royalistes, de fanatiques, de révolutionnaires, de républicains, de philosophes, qui doivent aujourd'hui se perdre dans le sein de la grande famille. Les émigrés ont eu peut-être leurs torts, leurs faiblesses, leurs erreurs. Mais dire à des infortunés qui ont tout sacrifié pour le roi que ce sont eux qui ont tué le roi, cela est aussi trop insensé et trop cruel. Et qui est-ce qui leur dit cela, grand Dieu? Les émigrés nous apportent des fers. On regarde et l'on voit d'un côté un roi qui nous apporte une charte telle que nous l'avions en vain cherchée et où se trouvent les bases de cette liberté qui servit de prétexte à nos fureurs. Un roi qui pardonne tout et dont le retour n'a coûté à la France ni une goutte de sang, ni une larme. On voit quelques Français qui rentrent à moitié nus dans leur patrie, sans secours, sans protection, sans amis, qui ne retrouvent ni leur toit, ni leur famille, qui passent sans se plaindre devant leur champ paternel labouré par une charrue étrangère, et qui mangent à la porte de leurs anciennes demeures le pain de la charité. On est obligé de faire pour eux des quêtes publiques. L'homme de Dieu qui les suit comme par l'instinct du malheur est revenu avec eux des terres lointaines. Il est revenu établir parmi nous, pour leurs enfants, les écoles qu'alimentait la piété des Anglais. Il ne manquerait plus, pour couronner l'œuvre, que d'établir ces écoles dans un coin de l'antique manoir de l'émigré, de lui préparer à lui-même une retraite dans ces hôpitaux fondés par ses ancêtres, et où son bien sert aujourd'hui à donner aux pauvres un lit qu'il n'a plus. Ce n'est pas nous qui faisons cette peinture, ce sont des membres de la Chambre des députés, qui n'ont point vu dans ces infortunés des triomphateurs, mais des victimes. Et ces Vendéens, et ces Chouans, à qui tout est réservé, vous importunent de leur faveur, de leur éclat. Leur pauvreté honorable, leur habit aussi ancien que leur fidélité, leur air étranger dans les palais, ont été pourtant l'objet de vos railleries lorsque ces loyaux serviteurs sont accourus du fond de la France à la grande, à la merveilleuse nouvelle du retour inespéré de leur roi. jetons les yeux autour de nous et tâchons, si nous le pouvons, d'être justes. Par qui la presque totalité des grandes et des petites places est-elle occupée? Est-ce par des chouans, des Vendéens, des Cosaques, des émigrés ou par des hommes qui servaient l'autre ordre de choses? On n'envie point, on ne reproche point les places à ces derniers. Ils sont sans doute dignes de les remplir, mais pourquoi dire précisément le contraire de ce qui est? Il n'était pas si frappé de la prospérité des émigrés, ce maréchal de France, qui a sollicité quelques secours pour de pauvres chevaliers de Saint-Louis, car, disait-il noblement, ou il faut leur ôter leur décoration, ou leur donner le moyen de la porter. Sous l'uniforme français, il ne peut y avoir que des sentiments généreux. Le véritable langage à tenir sur les émigrés, pour être équitable, c'est de dire que la vente de leurs biens est une des plus grandes injustices que la Révolution ait produite, que l'exemple d'un tel déplacement de propriété au milieu de la civilisation de l'Europe est le plus dangereux qui ait jamais été donné aux hommes, qu'il n'y aura peut-être point de parfaite réconciliation entre les Français jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen, par de sages tempéraments, des indemnités, des transactions volontaires, de diminuer ce que la première injustice a de criant et d'odieux. On ne s'habituera jamais à voir l'enfant mendier à la porte de l'héritage de ses pères. Voilà ce qu'il y a de vrai d'un côté. Il est vrai, de l'autre, que le roi ni les chambres n'ont pu violemment réparer une injustice par une injustice. Car enfin, on a acheté sous la garantie des lois. Les propriétés vendues ont déjà changé de main. Il est survenu des enfants, des partages. En touchant à ces ventes, on désolerait de nouvelles familles, on causerait de nouveaux bouleversements. Il faut donc employer pour guérir cette plaie les remèdes doux qui viennent du temps. Il faut qu'un esprit de paix préside aux mesures que l'on pourra prendre. Le désintéressement et l'honneur sont les deux vertus des Français. Avec un tel fond, on peut tout espérer. On dit que le projet du roi est de donner chaque année une somme sur la liste civile, pour secourir les anciens propriétaires et favoriser les arrangements mutuels. Le roi est la gloire et le salut de la France. Chapitre 7. Singulière méprise sur l'émigration. En examinant de plus près l'opinion des écrivains opposants, on s'aperçoit qu'ils sont tombés dans une singulière méprise, soit qu'ils l'aient fait à dessein, soit qu'ils aient erré de bonne foi. Ne semblerait-il pas, à les entendre, que l'émigration entière vient de rentrer avec le roi? Ignore-t-on que presque tous les émigrés sont revenus en France, il y a déjà 14 ou 15 ans, que les enfants de ces émigrés soient volontairement, soit de force, les uns atteints par la conscription, les autres enlevés pour les écoles militaires, ceux-ci pressés par le défaut absolu de fortune, ceux-là obligés de servir pour éviter à leur famille de nouvelles persécutions. Que les enfants de ces émigrés, disons-nous, ont pris des places sous Bonaparte, il a loué lui-même leur courage, leur désintéressement et leur fidélité à leurs paroles quand une fois ils l'ont donné. Beaucoup d'entre eux ont reçu des blessures sous ses drapeaux. Des chefs de chouans, des Vendéens ont défendu leur patrie contre les ennemis. On comptait dans nos armées les premiers gentilshommes de nos provinces et les descendants de nos familles les plus illustres. Représentants de l'ancienne gloire de la France, ils assistaient pour ainsi dire à sa gloire nouvelle. Dans cette noble fraternité d'armes, ils oubliaient nos discordes civiles, et en servant leur patrie, ils apprenaient à servir un jour leur roi. Ces hommes, qui auraient pu regretter le rang et la fortune de leurs aïeux, ces rejetons des connétables et des maréchaux de France, qui portaient le sac du soldat, nous menaceraient-ils de la résurrection de tous les préjugés? Ils ont du moins appris que, dans le métier des armes, tout soldat est noble, et que le grenadier a ses titres de gentilhomme écrits sur le papier de sa cartouche. C'est donc en vain que la malveillance cherche à créer des distinctions et des partis. Il n'y en a point, il n'y en peut pas avoir. Si Louis XVIII ne voulait remplir les places que d'hommes tout à fait étrangers à la Révolution, qui serait pur à ses yeux? Mais le roi, et ses preuves sont faites, est aussi impartial qu'il est éclairé, et ne sépare point ceux qui ont servi le roi de ceux qui ont servi la patrie. Ne dénaturons point les faits pour soulager notre humeur. Ne prêtons point au prince des sentiments qui ne sont pas les siens, et ne cherchons point à créer des partis en prétendant en trouver là où il n'en existe pas. Chapitre 8. Des derniers émigrés. Ainsi, tout le raisonnement des pamphlets contre les émigrés, sophistique par la forme, n'est point solide par le fond. Il porte sur une base fausse, car la grande, la véritable émigration est depuis longtemps rentrée en France. Elle a pris des intérêts communs avec le reste des Français par des alliances, des places, des liens de reconnaissance et des habitudes de société. Tout se réduit donc à cette petite troupe de proscrits que Louis XVIII ramène à sa suite. Voudriez-vous que, dans son exil, le roi n'eût pas conservé un ami? C'est ce qui arrive assez souvent aux princes malheureux. Vous êtes donc effrayés de quelques vieillards qui viennent, tout chargés dans et dépouillés par tant de sacrifices, se réchauffer un moment au soleil de la patrie? Nous avons déjà parlé de leur détresse. Faudrait-il, pour mieux vous tranquilliser, qu'ils fussent encore durement rejetés par leur roi? Compagnons, vieillis avec moi dans la terre étrangère, leur dirait le monarque, me voilà revenu dans mon palais, j'ai retrouvé mon peuple, mon bonheur, la gloire de mes aïeux. Vous, vous avez tout perdu pour moi. Vos biens sont vendus, les cendres de vos pères dispersées. Adieu, je ne vous connais plus. Et où iront-ils, ces compagnons du malheur du roi, ceux qui ont dormi dans l'exil, la tête appuyée sur les fleurs de lys, presque effacées par le sang et les larmes, ceux qui se consolaient en entourant de leurs respects et de leur commune misère le roi de l'adversité? Ne permettez-vous point que Louis XVIII leur prête un coin de son manteau? Voulez-vous qu'ils prennent un air sévère quand ils les voient? Qu'ils ne leur adressent jamais une de ces paroles qui paient en France tous les services? Vous le voulez indulgent, miséricordieux, et vous exigez qu'ils soient ingrats? Admirons nos rois d'avoir été aimés dans le malheur et d'aimer dans la prospérité. Chapitre 9. S'il est vrai qu'on soit plus inquiet aujourd'hui qu'on ne l'était au moment de la Restauration. Au retour des Bourbons, dit-on encore, la joie fut universelle. Il n'y eut qu'une opinion, qu'un sentiment. Les anciens républicains, particulièrement opprimés, applaudirent franchement à la Restauration. Aujourd'hui, les partis renaissent. Cette heureuse confiance est ébranlée, etc. Nous avons été aussi témoins des premiers moments de la Restauration, et nous avons observé précisément le contraire de ce que l'on avance ici. Sans doute, il y eut du bonheur, de la joie à l'arrivée des Bourbons, mais il s'y mêlait beaucoup d'inquiétude. Les anciens républicains étaient bien loin surtout d'être si satisfaits d'applaudir avec tant de cordialité. Plusieurs d'entre eux songeaient à se retirer et avaient tout préparé pour la fuite. Et en quoi avaient-ils été particulièrement opprimés sous Bonaparte? Ils jouissaient d'une grande fortune. Ils occupaient les premières places de l'État. Quoi? C'étaient les Bourboniens, les royalistes, qui jouissaient de la faveur sous la tyrannie? On croit rêver. La vérité est que la confiance ne fut point entière au premier moment du retour du roi. Beaucoup de gens étaient alarmés, les provinces même agitées, incertaines, divisées. L'armée ne savait si on lui conterait ses souffrances et ses victoires. On craignait les fers, on redoutait les vengeances. Mais peu à peu, le caractère du roi étant mieux connu, les frayeurs se calmèrent. On vit luire l'aurore d'une paix et l'espérance d'un bonheur sur lesquels on ne comptait presque plus. Rassurés sur les opinions que l'on avait eues, sur les votes que l'on avait pu émettre, tous les partis placèrent dans le monarque une juste confiance. Depuis ce temps, le roi n'a cessé de prendre de nouvelles forces, et la France de marcher vers la prospérité. Chaque jour, le très petit nombre d'opposants diminue, les comptes absurdes, les terreurs populaires s'évanouissent, le commerce renaît, les manufactures refleurissent, les impôts se paient, une immense dette est comblée, l'armée n'a plus qu'un seul et même esprit, les prisonniers et les soldats licenciés sont retournés au sein de leur famille, les officiers, avec une retraite honorable, jouissent dans leur foyer de l'admiration due à leur courage. La conscription abolie ne fait plus trembler les maires. La plus entière liberté d'opinion dans les deux chambres, dans les livres, dans les journaux, dans les discours, annonce que nous sommes enfin rendus à notre dignité naturelle. On se sent en pleine jouissance de ses droits. La main sur le cœur, de quoi se plaindrait-on? De qui et de quoi a-t-on peur? Jamais calme fut-il plus profond après la tempête. Les libelles que nous combattons ne sont-ils pas même la preuve de la plus entière liberté, comme de la force du gouvernement? Tout marche, sans effort, sans oppression. Les étrangers sont confondus et presque jaloux de notre paix et de notre prospérité. On n'entend parler ni de police, ni de dénonciation, ni d'un acte arbitraire du pouvoir, ni d'exécution, ni de réaction publique, ni de vengeance particulière. Les magistrats ont seuls agi quand ils ont cru voir des coupables, et cela s'est borné à l'arrestation de quelques individus remis en liberté aussitôt que l'on a reconnu qu'ils n'avaient pas outrepassé la loi. On va, on vient, on fait ce qu'on veut. N'est-on pas content? Les chemins sont ouverts. Qu'on demande des passeports, qu'on emporte sa fortune, chacun est le maître. À peine rencontre-t-on un gendarme. Dans un pays où plus de 400 000 soldats ont été licenciés, il n'y a pour ainsi dire pas une porte fermée et pas un voleur de grand chemin. Les créatures, les parents de Buonaparte, sont partout. Ils jouissent de la protection des lois. S'ils ont des pensions sur l'État, le roi les paie scrupuleusement. S'ils veulent sortir du royaume, y rentrer, porter des lettres, en rapporter, envoyer des courriers, faire des propositions, semer des bruits et même de l'argent, s'assembler en secret, en public, menacer, répandre des libelles, en un mot, conspirer, comme nous l'avons dit ailleurs, ils le peuvent. Cela ne fait de mal à personne. Ce gouvernement de 8 mois est si solide que, fit-il aujourd'hui faute sur faute, il tiendrait encore, en dépit de ses erreurs. Le frère de Louis XVI, la famille de Louis XVI, la charte qui garantit nos libertés. Ce sont là des puissances que rien ne peut ébranler. Immobile sur son trône, le roi a calmé les flots autour de lui. Il n'a cédé à aucune influence, à aucune impulsion, à aucun parti. Sa patience confond, sa bonté subjugue et enchaîne, sa paix se communique à tous. Il a connu les propos que l'on a pu tenir, les petites humeurs que l'on a témoignées, les folles démarches que l'on a pu faire. Tout cela s'est évanoui devant son inaltérable sérénité. Lorsqu'autrefois, en Allemagne, il fut frappé d'une balle à la tête, il se contenta de dire « une ligne plus haut et le roi de France s'appelait Charles X ». Et il n'en parla plus. Lorsqu'il reçut l'ordre de quitter Mittau au milieu de l'hiver, il ne fit pas entendre une plainte. Cette magnanimité sans ostentation qui lui est particulière, ce sang-froid que rien ne peut troubler, le suivent aujourd'hui au milieu de ses prospérités. On lui adresse une apologie de la mort de son frère. Il la lit, fait quelques observations et la renvoie à son auteur. Et pourtant il est roi, et pourtant il pleure tous les jours en secret la mort de ce frère. En entrant pour la première fois aux Tuileries, le jour de son arrivée à Paris, il se jeta à genoux. « Oh, mon frère » s'écria-t-il, « que n'avez-vous vu cette journée? Vous en étiez plus digne que moi. » On s'approche de lui. Il a toujours l'air de vous dire « Où pourriez-vous trouver un meilleur père? Laissez-moi panser vos blessures. J'oublie les miennes pour ne songer qu'aux vôtres. Est-ce à mon âge, après mes malheurs, que je puis aimer le trône pour moi-même? Je suis là pour vous, et je veux vous rendre aussi heureux que vous avez été infortuné. Quiconque jette les yeux autour de soi, au-dedans et au-dehors, et ne comble pas de bénédictions le prince que le ciel nous a rendu, n'est pas digne d'être gouverné par un tel prince. » Fin de la section 9.